Niko nalamkia kila nduku na kila dada mjini Yesu Kristo. Je salue chaque frère et chaque sœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunapigia tena Mungu wetu asante kwa kutukaburia siku ya leo. Nous remercions encore notre Dieu comme il nous a accordé la journée d'aujourd'hui. Ni siku kwetu mzuri kupatikana mnyumba ya Mungu. Pour nous c'est une meilleure journée d'être dans la maison de Dieu. Parce que paifuashi parce que ici tunegalaga mkushikia ni masauti ya Mungu. Nous écoutons seulement la parole de Dieu. Njoyo inegalaga na bujima. C'est celle qui a la vie. Ikuwe kumasomo kule tunaendaka. Que ça soit à l'école où nous allons. Au kumakaji. Que ça soit au service. Hakuna fashi tunegalaga na shikia bitu bya maana sana hapa hii fashi. Il n'y a pas d'endroit où nous écoutons des choses qui ont de bons sens comme. Njoyo kwa maana tunashikiaga kila wakati furaha kwa hapa hii fashi. C'est pourquoi chaque fois nous nous réjouissons de venir ici. Bila kukawia tuko na shibama juu ya kusoma neno ya Mungu. Sans plus tarder, levons-nous pour lire la parole de Dieu. Ni andiko tulianza kusoma tangia mardi. C'est l'écriture que nous avons commencé depuis le mardi. Tuko na beba maandiko mbili, 1 Pierre chapitre 1 verset 17. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 17. Na Hebrews 13 verset 14. Wa Hebrania 13:14. Tunaanzia mu 1 Pierre chapitre 1 verset 17. Nous commençons par 1 Pierre chapitre 1. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon les œuvres de chacun. Kama mukiita sawa baba ule kuna hukumu kila matendo ya kila mtu. Sans exception de personne. Bila kufanya ubaguzi ya watu. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Mupate basi kujiongoza na boka mwakati yenu yote ya safari pa dunia hii. Hebreux chapitre 13. Wa Hebrania sura 13 verset 14. Mustari ya 14. Car nous n'avons point ici bas de cité permanente. Kwani hapa pa dunia hatuna hapo na mji ya loti. Mais nous cherchons ce qui est à venir. Alakini tuko na tafuta muji ile takuja. Tunakupikia asante Mwenyezi Mungu aliye juu mbinguni. Nous te remercions notre Dieu qui est au ciel. Juu ni wewe ulichikia hii mkusanyiko ipate kuyako. Parce que c'est toi qui nous a permis cette réunion. Wakati yote wewe Mungu na tureunir mwi namna. Chaque fois que tu nous réunis de cette manière. Aina kwa bule. Ce n'est pas pour rien. Aina ni juu tupate kuzobelea hii makutano. Ce n'est pas pour que nous puissions nous habituer de cette église. Aina Seigneur juu tupate kufanya mouvement ya kidini. Ce n'est pas pour faire une religion. Mashiku yote lewe Mungu kuna tureunir. Toutes les fois que toi Dieu tu nous réunis. Kuko paka sababu. Il y a toujours une raison. Na kama tunashindwa kutirer profit muhimu kusaniko wewe Mungu na tunaenu. Et si nous manquons de tirer profit de cette réunion. Tutaendaka kusamba. Nous serons jugés. Kumbe utusaidie Seigneur. Alors viens-nous en aide. Mushiku ya leo. Aujourd'hui, neno yoi tunatokea mkusoma. Voilà que nous venons de lire la parole. Mtu wote wa kufunda anaweza kusoma. Tout homme qui a étudié peut aussi lire. Mais tunalika roho yako. Mais nous invitons ton esprit. Iseme mnamna ya kutusaidia. Qu'il parle de manière à nous aider. Ukumbuke kanisa. Souviens-toi de cette église. Ukumbuke pasteur wetu. Souviens-toi de notre pasteur. Ukumbuke baze tuko nabo. Souviens-toi des anciens que nous avons. Ushisabu Israël. N'oublie pas Israël ton peuple. Eko napitisha wakati ya nguvu. Il traverse un moment difficile. Musaada inapasha kutokea paka. Mais le secours ne vient que de toi. Shebote tunajikonfie kwako. Nous tous nous nous confions en toi. Kulomba na imani juu tunakuyo. Nous prions avec foi parce que nous te connaissons. Munjina ya be ya mfalme na mkuu wetu. Au nom précieux du roi et du sauveur Jésus-Christ. Amen. Amina. Unaweza kuikaa. Vous pouvez vous asseoir. Ni tangia mardi tulianza kusemea juu ya hii. C'est depuis le mardi que nous avons commencé ce sujet. Ya kusema hatuna nafuashi hapa pa hii dunia ya shiku ikala lote. Intitulé que nous n'avons pas une cité permanente sur cette terre. Na tangia mardi tulianza kusema bintu mingi. Et depuis le mardi on a parlé sur beaucoup de choses. Ni nawazia kusema hii sujet. Je pense que ce sujet iko ya mafaa sana kwa shi bantu bakufa. Il est très important pour nous les mortels. Benye kuyua kusema mashiku yetu mu dunia ni ya muda. Anu ki savons que sur la terre nous sommes temporaires. Na wakati tuko na yua kusema tuko ba mashiku mufupi pa dunia. Lorsque nous découvrons que nous sommes temporaires sur la terre, Na hakuna fashi ya kabaila mule mtu anaweza kuwekea kitumaini mwi dunia. Eh, a pas un endroit où quelqu'un peut se confier sur cette terre. Tunapasha kuya bantu tuko napitisha mashiku yetu pa hii dunia na akili. Nous devons passer notre séjour sur la terre avec intelligence. Atuweze kuipitisha sawa bajinga. On peut pas traverser notre séjour comme des insensés. Benye kuyua kusema mwili kuko shiku bujima butashimamaka. Sachant que dans ce corps il y a un jour que notre vie va s'arrêter. Metena mumashiku ile Mungu anatukaburia ya bujima. Et alors dans les jours que Dieu nous a lotis pour vivre. Biblia iko natuonya na kutuambia kusema. La Bible nous exhorte en disant. Tunapasa kujongoza kwanza na boka bwa Mungu. Nous devons nous conduire avec crainte devant Dieu. Parce que kama mashiku inashimama, parce que si nos jours s'arrêtaient, kunegalaka mafuashi kule bantu banaendaka. Il y a des endroits là où les gens vont. Kuko bale banaendaka mukupotea. Il y a ceux qui partent dans la perdition. Na kuko bale banaendaka mukupumushika. Il y a ceux qui partent au repos. Même mashiku yetu ya bujima. Mais dans nos jours sur la terre, Mungu ashikutuacha tu hivi bule. Dieu nous a pas laissés seuls. Mungu alitutumia neno yake. Dieu nous a envoyé sa parole. Ni juu tuyaamini. C'est pour que nous puissions la kupitia croire. Ile neno yake tujitayarishe. À travers sa parole que nous puissions nous préparer. Juu kama mashiku yetu inashimama. Parce que si nos jours s'arrêtaient. Tushende kule kunaendaga bajinga. Qu'on aille pas là où partent les insensés. Na ile ko ya mafaa sana kwa kila ndugu na kila dada. Et cela est très important à chaque frère, à chaque sœur. Njo ile tulianza kusema tangia mardi. C'est ce qu'on disait depuis le mardi. Juu kama unashindwa kubeba maneno ya Mungu pale kuna bujima. Parce que si tu échoues de prendre la parole de Dieu pendant que tu vis encore. Na unapitisha mashiku yako ovyo ovyo. Et que tu perdais ton séjour vainement. Katikati ya juma tulisema. Au courant de la semaine nous avons dit. Bale mashiku yako itashimama. Lorsque ta vie va s'arrêter, utahuzunikaka sana. Tu vas beaucoup regretter. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Utahuzunikaka utariaka. Tu pleureras, tu vas regretter. Na utajionaka kusema ulikuwa bumbafu sana. Tu vas te considérer comment tu étais très insensé. Mungu anakaburia mashiku yawe kupitisha pa hii dunia. Dieu t'a loti des jours à passer sur la terre. Na ashikuache bule anakutumia na neno yake. Il t'a pas laissé, il t'a donné. Mais wewe unakonsomé mashiku yote mubitu fubwa biaka bea bea ovyo. Tu as consommé tous tes jours dans des. Mais pale mashiku inashimama sasa. Lorsque tes jours s'arrêtent. Ndio sasa unaanza kuingia mubitu bya kweli. Tu commences maintenant à entrer dans des vérités. Sasa unaangalia bumbafu bule ulifanyaka pale ulikuwa pa dunia. Tu vas voir la ce que tu as mené lorsque tu étais sur la terre. Utaria sana. Tu pleureras amèrement. Utaregrete sana. Mais akuta kuya tena jibu. Mais il n'y aura plus de solution. Katikati ya juma niambia bandu kuivi. Au courant de la journée, de la semaine, j'ai dit. Ata ima voyage tunafuanyaka. Même nos voyages que nous effectuons. Unapanda moto. Tu montes unapanda sur moto. Motoka. Tu prends place unapanda à bord de véhicule. Tu prends place unapanda à bord de avion. Moto. Tu montes uko dans la panda, shuka. Tu ne fais que monter des affaires. Tu ne fais que faire des affaires. Iko mzuri kufanya maaffaire. C'est bien de faire toutes mais ces choses. Mais wewe mwenye kukombolewa. Mais tout en étant délivré. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Igo muzuri kurima mashamba mais wewe na Mungu. C'est bien de faire les champs mais tout en ayant Dieu avec toi. Igo muzuri kufanya commerce wewe na Mungu. C'est bien de faire le commerce mais tout en ayant Dieu. Ile masafari yote kunafanya monter descend monter descend. Parce que tous ces voyages que tu effectues à montagne. Kama mashiku yako inashimama. Mais si tes jours s'arrêtent. Na haukupataka kakabaila mu mashiku yako. Que tu n'avais pas reçu la chose essentielle. Utajionaka bumbafu sana. Tu te considères vraiment insensé. Utajionaka mujinga sana. Na utaregrete ile mavoyage utajuliza pourquoi nilikuwa vile bumbafu. Tu vas regretter de tous ces voyages que tu avais effectués. Ubumbafu bule ulifanya pale kwa dunia utabuzunikia sana. La sottise que tu avais faite lorsque tu étais sur la terre, tu vas beaucoup regretter. Na aina kitu kizuri. Et ce n'est pas une bonne chose. Kila ndugu na kila dada. Chaque frère et chaque sœur. Ayue kusema hii neno Mungu alitutumia. Il sache que cette parole que Dieu nous a envoyée. Njo bahati tulipata mu mashiku yetu. C'est ça la chance que nous avons eue dans notre jour. Njo bahati moya munene tulipata. C'est ça la grande chance que nous avons eue. Mais hapana kuichukua hii neno. Il faut pas prendre cette parole. Kui négliger. La négliger. Kufanya vile roho yako inapenda. Faire ce que ton ce que bon te semble. Unaweka neno ya Mungu kupembeni. Mais de côté la parole de Dieu. Mais uko paka naangalia vile biko nafurahisha roho yako. Ne fais que te préoccuper de ce que uko paka kumafaire panda shuka. Ne fais que monter descendre en faisant tes. Yenye bwana tafuta vya kabaila upate. Et les choses que tu cherches essentielles tu les trouves. Juu mtu anapata kwa kile Mungu anamupatia. Parce que l'homme ne trouve que ce que Dieu lui donne. Mais de pour yanga kuangaika panda shuka. Depuis que tu te préoccupes. Bila kuconsidérer pourquoi uko pa hii dunia. Poser la question pourquoi tu existes. Na Dieu nini Mungu alikutuma pa hii dunia. Dieu t'a envoyé sur la terre. Shiku bujima utashimama. Le jour que ta vie va s'arrêter. Utahuzunika sana. Tu vas regretter. C'est pourquoi tu n'as pas chaque na akili. C'est pourquoi nous devons être vraiment sages. Pale tuko naishi mu dunia. Parce que nous vivons dans ce monde. Benye kujua kusema siku yetu itashimama. Sachant que un jour nous allons nous arrêter. Tu n'as pas chaque kujitayarisha. Nous devons nous préparer. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Katikati ya juma tulisema hivi. Au courant de la semaine nous avons encore dit ceci. Frère Branham mbona tu exhorter anasema. Donc Branham nous exhorte en disant ceci. Asema kama unaangalia mu wakati ya Bible. Si vous regardez du temps de la Bible. Bantu bote bale barikuwa na hekima. Tous ceux-là qui étaient sages. Mwakati ya Bible. Du temps de la Bible. Wakati barifumbula kusema beko biumbe bia wakati. Lorsqu'ils avaient découvert qu'ils étaient des créatures temporaires. Bari anza kuikara na kushimama. Ils se sont arrêtés. Na kutafuta bayuwe. Et ils voulaient savoir. Kile batakuya kama bushima bunashimama. Ce qu'ils seront lorsque leur vie va s'arrêter. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Bale barikuwa na hekima mwakati ya Bible. Ceux qui étaient sages au temps de la Bible. Aba kuanza kutembea ovyo ovyo. Ils ne marchaient pas en désordre. Bari anza kupenda bayuwe kama mina kufua. Ils voulaient savoir si je mourais. Nitaenda wapi? Où irais-je? Na kama ile wazo inapanda nani ya roho ya mwanadamu. Et si cette pensée-là s'élève dans le cœur de l'homme. Asiweze kugaspiller wakati yake ovyo ovyo. Il ne peut pas pondre, kuponda muda wake bule bule. Apana nduku. Non mon frère. Apana dada. Non ma soeur. Leo hii tuko naishi mudunia. Aujourd'hui nous vivons sur la terre. Mule bantu mingi sana abana na hekima. Là où beaucoup de gens ne sont pas sages. Mais bale barikuwa na hekima angalia hata maisha ya Job. Ce qui était sage, regardez même parce dans la vie de Job. Parce qu'au courant de la semaine, nous avons aussi cité Job. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Ni mtu wa zamani sana pa hii dunia. Un ancien sur la terre. Mais kama unaangalia ma attitude yake. Si vous regardez sa façon de vivre. Na mashiku ya bujima. Mais pendant qu'il vivait. Alipendaka ayue kama anakufa ataenda wapi. Il voulait savoir lorsqu'il va mourir. Na wakati alipataka hakikisho ya kule ataenda. Lorsqu'il a l'assurance de là où il devait. Ndio kama na mko naona mubujima wa Job. C'est pourquoi vous voyez dans la vie de Job. Eko nasema. Il dit. Mingu napenda. Je voudrais. Ima sauti yanjikwe. Que mes paroles soient écrites. Yanjikwe na bire ya kiuma. Soit gravé avec le bira. Mina yua kusema. Je sais que. Ataka mahi mwili. Même si mon corps. Inaoza. Inaribika. Inanuka. Me mukombozi wangu. Mon rédempteur. Il est vivant. Il avait déjà reçu l'assurance. La même si ma vie s'arrêtait, mon rédempteur est vivant. Parce qu'il était sage sur cette terre. Nous avons cité Job. Nous avons parlé de la vie d'Abraham. Nous avons parlé de David. Nous avons parlé aussi de Paul. Ce sont des gens qui étaient sages. Ils voulaient savoir lorsque leur vie va s'arrêter, où est-ce qu'ils partiront. C'est la vérité. Mais sur la terre, mon frère, regardez comment les gens sont agités. Comment on engarichisha bien, frère? Si vous observez correctement, bile bantu beko na ngaikia sana. Les choses pour lesquelles les gens sont préoccupés, abina tabia kubasaidia kumwenda mashiku. Ce ne sont même pas des choses qui peuvent les aider dans l'avenir. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Mutu beko natoa maisha yake yote. Vous allez voir quelqu'un consacrer toute sa vie. Dua tafute paka bintu bya pai dunia hii. Il cherche seulement les biens matériels de ce monde. Mumashiku yake yote. Dans tout son séjour. Mutu anafanya nguvu. Il va fournir tout son effort. Afunde masomo. Il a étudié. Atumike kazi. Il travaille durement. Arime mashamba. Il fasse les champs. Bile bintu byenye kwa bizuri kwa mwanadamu. Toutes ces choses-là, c'est bon pour un homme. Maintenant ule mutu paka moya moya ule. La même personne là. Mwile ma sacrifice yote alifanya. Fournir comme sacrifice. Mais anashindwa tu kitu kimoya. Il a manqué seulement une chose. Ni kujisacrifier juu ya nafsi yake. C'est consacré pour sa vie, son âme. Angalia frère. Regarde mon frère. Mui dunia mujima huko naona. Dans ce monde entier que vous voyez. Kufuatana na ma réalisation batu beko na réaliser pa dunia. Selon les réalisations que les gens font. Mtu anayenga nyumba ile inashangaisha bantu. Quelqu'un qui construit une maison qui épate les gens. Mtu anakuya na makuta ile kunashangaisha bantu. Il a l'argent qui épate les gens. Mtu anauza gari. Il paye une voiture. Anaoa bibi. Il épouse une femme. Anazala batoto. Il a des enfants. Anafanya vitu vyote anakuya ministre. Toutes ces choses là. Député. Devient député. Il devient gouverneur. Bile bitu biote. Toutes ces choses. Ni ma réalisation ya pa dunia. Ce sont des réalisations. Mais si qu'on appelle ni miambia ibu subuhi. Je voudrais vous dire. Hakuna réalisation ile mtu anaweza kufanya. Ya kupita sa wokovu ya nafsi yake. Il dépasse le salut de son âme, il n'y en a pas. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Hakuna kile mtu anaweza kufanya kama ile kupita uko vya nafsi yake. Il n'y a rien qu'un homme peut faire sur la terre qui dépasse. C'est pourquoi frère, je kwa maana nduku. Na dada yangu. Et même ma sœur. Mungu akusaidie. Et Dieu t'aide. Ichikia mwi dunia hii. Accepte dans ce monde. Upoteshe byote. Et tu perds tout. Mais nafsi yako yokolewe. Mais néanmoins que ton âme soit sauvée. Est-ce que tu pamoja? Somnu ensemble. Kama mtu anarealize anauza moto. Si l'homme réalise paye la moto. Anauza motoka. Il paye la voiture. Ana yenga nyumba. Il construit une maison. Anakuya député. Il devient même député. Anakuya ate. Il devient un ate. Anakuya gouverneur. Il devient gouverneur. Anakuya koni mondialement. Anajulikana mulimo. Mais kama ule mutu. Mais si cette nafsi yake ikuokolewa. Son âme n'était pas sauvée. Mbumbafu. C'est un insensé. Parce que tu comprends moi. Sommes-nous ensemble? Nibumbafu. C'est vraiment un insensé. Ashina na hekima. Il n'est pas sage. Ile shiba tu ba dunia tunaitaka kusema ah. C'est que nous les humains de la terre nous disons, nous appelons. Huyu mtu tellement eko na hekima. Cet homme est vraiment sage. Dieu a nini? Pourquoi? Dieu n'a pas ta licence. Parce qu'il a obtenu le diplôme de licence. Dieu a nini? Pourquoi? Dieu est quoi qu'on a acquis à temps ma commerce. Il est même intelligent dans ses activités. Eko na kukalamusha na Dieu bia kufanya fanya juu ma biashara yendeke. Il connaît ce qu'il faut faire pour que ses activités avancent. Ce n'est pas ça la sagesse. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Sasa kama mtu frère atana réaliser kitu kani. Même si réaliser n'importe quoi. Hata kama unavua la nguo ya bei. Même si tu portais un habit très cher. Bila Yesu ko bumba. Sans Jésus tu es un insensé. C'est la vérité. Ni kweli. Na shiku mashiku yako itashimamaka. Le jour que ta vie va s'arrêter. Utaregretaka na ile mangu ya pio kwalaka bila Yesu. Tes habits que tu avais portés sans Jésus-Christ. Utayuzunikiaka. Tu vas beaucoup regretter de ces habits là. C'est la vérité. Ni kweli. Mungu apate kumbariki. Dieu vous bénisse. Utayuzunikiaka sana. Tu vas beaucoup regretter. Kuko mtu mmoja tulianza kutaya kadiri ya juma. Il y a quelqu'un que nous avons cité au cours de la semaine. C'est un jeune homme riche. La Bible l'appelle Kiana mutajiri. Mais Biblia kama inaita mtu riche alikuwa riche. Lorsque la Bible appelle quelqu'un riche. Mais angalia mbele wewe. Regarde toi. Depuis rien kuhangaika una tarishi. Depuis que tu as commencé à t'agiter. Na Mungu mwenyewe hauna naye. Na même pas Dieu. Wewe njoko bumbafu kupi. C'est toi qui es plus insensé. C'est la vérité. Ni kweli. Huyu Biblia kuna mwita kusema alikuwa riche. Celui-ci, la Bible l'appelle riche. Alipataka occasion. Il a chance. Ya kutoa maisha yake kuko Yesu. Délivrer sa vie à Jésus-Christ. Mais akakatala Dieu kutafuta mali. Il a refusé pour des raisons de chercher. Na Mungu alimwacha. Et Dieu l'a laissé. Muma activité yake bitu biliendeka. Dans ses activités les choses ont évolué. Kama bitu biko naendeka mufi yako. Si les choses évoluent dans ta vie. Aina synonyme ya kusema unaokolewa. Ce n'est pas synonyme que tu es sauvé. Tapana frère. Non mon frère. Tapana dada. Non ma soeur. Ah, unapata bukweli bwabie. Peut-être tu as un bon mariage. Ah, non. Ah, unapata circuit moyo kunapata franga mingi. Tu as un circuit là où tu attrapes beaucoup d'argent. Aina kusema. Ce n'est pas dire que. Ile ma circuit ya makuto kunapata. C'est circuit d'argent que tu reçois là. Ni kusema Mungu anesha kukuokola. C'est-à-dire que Dieu t'a déjà délivré. Apana frère. Non, c'est pas ça. Apana dada. Non mon frère. Huyu kiana na yeye ile ma circuit alikuyaka nayo. Ce jeune aussi avait ce circuit là. Mais ari négligea kanafsi yake. Il avait négligé son âme. Ari sababu kusema. Il avait oublié que. Ni kiumbe kia wakati. C'était une créature temporaire. Njobale peko mambo munene frère. C'est là qu'il y a une question mon frère. Njobale peko mambo munene dada. C'est là qu'il y a une question ma sœur. Shisa batoto ya Mungu. Nous, en tant qu'enfant de Dieu. Banduku na badada. Des frères et des sœurs. Mubitu biote bia pa dunia. Dans tout ce que nous pouvons faire sur la terre. Tuangaike juu ya manafsi yetu. Préoccupons-nous pour le salut de nos âmes. Tukombane juu ya manafsi yetu. Nous devons nous battre pour nos âmes. Apana kutosha energie yako yote. Il faut pas livrer toute ton énergie. Tu as kupata paka bitu ya pai dunia. Pour avoir seulement les biens matériels de ce monde. Apana frère. Non mon frère. Apana dada. Non ma sœur. Parce que ça vile njo ali ya bantu wa Laodicée. C'est ça la caractéristique des gens de Laodicée. Ni bantu wanapenda bitu bia mwili sana. Ce sont des gens qui aiment des biens matériels. Na tulisema katikati ya juma kusema. Nous avons dit au courant de. Ile konangaisha bantu ni tamaa. Ce qui préoccupe les gens, qui tourmente les gens, c'est la convoitise. Est-ce que tu pamoja? Sommes-nous ensemble? Na ile tamaa iko natokea wapi? Et cette convoitise là. C'est parce que roho ya mtu. C'est parce que dans le cœur de. Kama mtu ashiaokolewa. Si n'est pas encore délivré. Kama mtu ashira na Roho Mtakatifu. Si n'a pas encore laissé. Roho yake ashitulizanake. Dans son cœur il n'est pas vraiment tranquille. Toko mana kona watu mekupaka na ngaika. Na mipaka ni yenge nyumba sana yake. Na mipaka ni uze motoka sana wake. Na mi. Atukupeleka watu pa dunia. Nous ne sommes pas venus. Atukupeleka watu pa dunia. Regarde maintenant l'état de ton âme. Est-ce que tu pas moi? Sommes-nous ensemble? Biblia qu'on a fait ma vie. La Bible dit ceci. Lisons d'abord cette écriture. Avant d'évoluer. Ni Philippiens. Tu vois Philippe? Tu sommes les andico. Lisons cette écriture. Huyu ni Paul leo natuandikia. Celui-ci c'est Paul qui nous écrit. Anasema hivi. Philippiens chapitre 3. Wa Filipo sura ya 3. Tuanzie tu mu 17. Nous allons commencer par les 17. Anasema hivi. Il dit ceci. Soyez tous mes imitateurs, frères. Moi, bote, mupate kunifatirisha banduku. Et portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Na muangalie, na muchugue sawa mufano, kubale weo natembea kufatana na sisi. Car il en est plusieurs. Wani ni ba mingi. Qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Bale weo natembea sawa adui ya musalaba ya Christ. Je vous en ai souvent parlé. Kila mara na miambiaka hiyo. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Na hapa sasa tena mina isema na mukulia. Leur fin. Mwisho yabo. Sera la perdition. Itakuwa ni kupoteya. Ils ont pour Dieu leur ventre. Mungu wabo ni ntumbo. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tout le monde Je ne sais pas si nous lisons ensemble. Bantu bale huyu mtu wa Mungu anatuandikia. Ces gens pour lesquels cet homme de Dieu nous écrit. Benye kutembea mubu adui na kaja msalaba. Qui marche en ennemi de l'œuvre de la croix. Anatuonesha comportement ya. Il nous a cité comment est leur comportement. Manga iko yabo yote. Toutes leurs grandes préoccupations. Ni ntumbo. C'est seulement les ventres. Est-ce que tu vas mourir? Sommes-nous ensemble? C'est que mawazo yabo yote. Toutes leurs pensées. Ni paka babitu bia dunia. Et focaliser seulement sur les. Ni kuesa fulani. Que je devienne comme tel. Ni anze kuishi sa fulani. Que je vive comme celui-là. Angaria frère. Regarde Bible mon frère. Quelque part. La Bible nous dit fazi fulani. Si vous aimez le monde. Kama munapenda dunia. L'amour du père n'est pas en vous. Manake mapendo ya baba ina ndani yenu. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Bon, mais qu'on a waza paka bintu apa dunia. Bantu bale benye mawazo yabo yote. Ces gens-là, pour qui toutes leurs pensées. Akiri yabo yote. Toutes leurs intelligences. Ni paka kama mimi takufa ntachia nini batoto yangu. Seulement, lorsque je mourrai, qu'est-ce que je peux laisser en héritage à mes enfants? Na uko naona mutu mwile ma condition. Vous allez voir quelqu'un dans ces conditions-là. Eko na etikia kufuanya biote. Il accepte de tout. Tu apate o quelque chose ya kuachia batoto yangu. Il est kokitu fulani a laisser à ses enfants. Angaria frère. Regarde mon frère. Unaona kama unakufa kuachia batoto ata nyumba. Si tu meurs que tu n'as même pas laissé une maison à tes enfants. Uko sa bumbafu. Tu es comme un insensé. Angaria frère. Regarde mon frère. Kuacha nyumba ina mubaya. Laisser une maison c'est pas mauvais. Mais kakabaila kinapita nyumba ni neno ya Mungu. Mais ce qui est essentiel qui dépasse la maison c'est la parole de Dieu. Mungu apate umbariki. Que Dieu vous bénisse. Unaona frère. Voyez-vous frère. Uko paka na kombana. Il ne fait que te battre. Juste stabiliser la vie à batoto yako. Pour stabiliser la vie de Ni kitu kizuri. C'est une bonne chose. Maintenant, unapasha kuverifier tena. Tu dois encore vérifier. Est-ce que uko mwenye kuokolewa? Es-tu déjà sauvé? Mwile ma démarche yote unafanya. Dans toutes les démarches que tu fais. Adam, mwile ma démarche. Même dans toutes les démarches. Bushima wako unaweza kushimama. Ta vie peut s'arrêter. C'est la vérité? Ni kweli. Mungu apate mbariki. Que Dieu vous bénisse. Mwile ma démarche yote unafanya. En faisant toutes ces démarches. Bushima unaweza kushimama. Ta vie peut s'arrêter. Maintenant, kile unapasha kuangarishisha. C'est que tu dois beaucoup examiner. Est-ce que nafsi yako ni yenye kukombolewa? Est-ce que ton âme est-elle délivrée? Kama mawazo yako. Si dans ta pensée. Akili yako. Dans ton intelligence. Nguvu yote. Dans toute ta force. Unaitoa. Tu les consacres. Juu ya kutafuta kustabiliser maisha. Chercher à stabiliser. Selon maandiko. Selon les écritures. Kama hauna na Roho Mtakatifu. Si tu n'as pas les saintes. Uko natembea mubwadui na kaja msalaba. Marche à l'ennemi de l'œuvre de la croix. Est-ce que tu comprends moya? Sommes-nous ensemble? Kufuatana na maandiko hii tunasoma. Selon les saintes écritures que nous venons de lire. Sasa wewe akili yako yote. Dans toute ton intelligence à toi là. Ni juu maisha kuwe stable. C'est pour que tu aies une stabilité dans ta vie. Angaria frère. Regarde mon frère. Angaria dad. Regardez ma sœur. Biblia inasema bien. La Bible dit bien. Mambo haina leo. Le problème c'est pas aujourd'hui. Mambo ni mwisho kule utaishi. Le problème c'est ta fin là où tu finiras. Est-ce que tu pamoja? Sommes-nous ensemble? La Bible inasema wazi kusema. La Bible dit ouvertement. Leur fin sera la perdition. Mwisho yabo itakuwa ni kupoteya. Mwisho yabo itakuwa ni kupoteya. Leur fin sera la perdition. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Bobe kuna tafuta paka bintu hapa dunia. Mangaiko paka niuze plasma. Leur préoccupation que je paye le plasma. Niuze Dodoma. Que j'achète le Dodoma. Mungu nalala mu Dodoma bila Mungu mupumbafu. Tu dors sur le Dodoma sans Dieu mais tu es insensé. C'est la vérité? Ni kweli. Ukupaka na angaika batoto baende ku université. Tu ne fais que te préoccuper pour que tes enfants aillent à l'université. Ni kitu kia bien. C'est une bonne chose. Mais angalia sasa nafsi yako. Mais regardez alors ton âme. Binaweza kufikia batoto yako banaisha ta université. Ça peut arriver que tes enfants terminent. Mais mwisho yako, mwisho. Mais alors, ta fin à toi. Mwisho yako tenda wapi? Ta fin où est-ce que tu iras? Kyo kesho ya kujiuliza. Voilà la question qu'il faut se poser. Kila ndugu na kila dada. Chaque frère, chaque soeur. Ajiulize mwisho nitaenda wapi? Qui se demande un peu, à la fin là, il ira où? Oui frère. Dieu ndugu. Mungu ashikututume pa hii dunia. Dieu ne nous a pas envoyé sur la terre. Jutu wine. Pour que nous devenons riches. Tupate mali. Connais la richesse de ce monde. Kama binafikia tunaipata ina mambo. Si ça arrivait que nous avons la richesse. Mais mukurze ile tuko nayo mudunia. Mais l'objectif que nous avons. Bila je tunapasha kuhangaikia. La chose pour laquelle nous avons. Kufuatana na vile Mungu anasema. Selon ce que Dieu dit. Ni kuhangaikia kwanza ufalme ya mbingu. Se préoccuper d'abord du royaume des cieux. Il faut mbele uipate. Il faut d'abord l'avoir. Bila bingine Mungu atakuongezea. Le reste Dieu. Anaweza swati kukuongezea. Peut ajouter. Au anaweza shikupatie kitu. Peut impérien te donner. Hapana mambo. Il n'y a pas de quoi. Mu Biblia humu. Dans la Bible. Muko mtu moya. Il y a une personne. Jina yake ilikuwa Lazare. Son nom était Lazare. Mungu apate kubariki. Et Dieu vous bénisse. Alikuwa rafiki yake na Yesu Kristo. Il était ami à Jésus-Christ. Mais mu mashiku yake. Mais dans son séjour sur la terre. Ashikupataka bahati ya kuuza hata Dodoma. Il n'avait pas eu la chance de payer même une bonne mousse de Dodoma. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Mais ule muntu frère. Cet homme là mon frère. Alikuwa na garantie ya wokovu. Alikuwa na hakikisho. Biblia iko nasema. La Bible dit. Mu maisha yake. Dans sa vie. Alianza kwenda kulokota kwa mtu mwe wa mali. Il allait ramasser auprès d'un riche. Njokula anaanza kupata ko chakula iko na kuria. Cela qui ramasse des miettes. Iko na msaidia. Ça l'aidait un peu. Mais kile kilikuwa kinamsécuriser. Mais ce qu'il avait sécurisé. Na kile kilionesha kusema Lazare alikuwa na hekima. Ce qui avait montré que Lazare était sage. Ni jumu vi yake. C'est parce que dans sa vie. Alipataka kitu kya kabaila. Il avait reçu la chose essentielle. Mu maisha yake. Dans sa vie. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi mwili frère. C'est pourquoi dans cette chair mon frère. Mwili dada. Dans cette chair ma sœur. Mumashiku Mungu anatupatia ya kuishi. Dans les jours que Dieu nous a lotis. Juba mingi katikati yetu kumbele hapo kuna kwa mashiku kiloko. Parce que nombreux au milieu de nous il reste peu de jours. Mwile kiloko inakubakiria. Peu de jours qui te reste à vivre. Uya na hakikisho. Ayez la certitude. Ya kusema ulisha kuokolewa. Tu es déjà sauvé. Hapana kufanya michezo. Il faut pas jouer. Mudini. En jouant la religion. Hapana kucheza michezo. Il faut pas jouer la religion. Oh, unaona frère. Unaona hapana explication hapa. Il faut pas chercher à nous expliquer. Il faut kuwa na hakikisho kama unaokolewa. Il faut que tu aies la certitude que kama unana ile hakikisho. Si tu n'as pas cette assurance, utaregretaka ça. Tu regretteras plus tard. Lazare alikuwa mashikini. Lazare était pauvre. Wewe ukupaka na kombana sana. Toi tu ne fais que te battre. Nani alikwambia kusema? Tu as dit que tu as kwenda ku mbingu. Ni paka mkanisa bantu bakone wa bei. Il faut que tu sois important dans l'église. Nani alikwambia vile? Il a dit ainsi. Ona vile uko nahangaika frère. Voyez-vous comment tu es? Unaona sie? Il faut paka mini kwe mkikundi ka ba fulani. Que sois dans le groupe de tel. Ni buwelewele. Ça c'est être insensé. Mungu apate kubariki. Et Dieu vous bénisse. Nani alikuona sema njoo njia yawe kwenda kumbingu. Qui t'a vu que c'est ça le chemin par lequel il faut passer pour aller au ciel? Uko nahangaikia bitu biko nakuletea haya. Tu te préoccupes des choses qui t'amènent la honte. Abiweze kukusaidia baadaye. Ne peux pas t'aider. Njoo komba yako. Voilà ton combat à toi. Hapana frère. C'est pas ça mon frère. Si ça va Christ frère. Nous en tant que chrétiens mon frère. Tuko na yua. Nous savons. Na tunayua kusema mashiku yetu. Nous savons que nos jours sur la terre. Vile iko yenye kuhesabiwa. Comme cela est compté. Atuweze kuiperdre. Nous ne pouvons pas les perdre comme ça. C'est tout pas moi. Sommes-nous ensemble. Atuweze kuiperdre frère. Nous ne pouvons pas gâcher notre tout vie. Tulisema musemene. Nous avons dit au courant de la semaine. C'est que chaque minute. Kila dakika. Chaque battement du cœur. Kila kupika kwa moyo, kwa roho. Iko vraiment important kwetu. Kuya mafaa. Dieu a kuweka maisha yetu en ordre. Pour réparer notre vie, mettre en ordre notre vie. Est-ce que tout pas moi. Sommes-nous ensemble. Tulionesha juu ya jeune chef riche huyu. Nous avons parlé de ce jeune riche. Wakati mujima burisimama frère. Lorsque sa vie s'était arrêtée mon frère. Aririya. Il avait pleuré. Ariangaika. Il était très agité. Alitafuta 5 minutes. Il a cherché même 5 minutes dakika. Ile woko naipitisha paka mukulewa mpombe. Et toi que tu es en train de perdre en te saoulant. Uko naipitisha paka mu maisha ya ovyo. Tu le perds dans une mauvaise vie. Mais hier alitafuta ka ile 5 minutes. Mais celui-ci avait cherché ces 5 minutes. Unaona vile bantu pale beko na bujima. Voyez-vous lorsque Abaona ke Valeria wakati ile Mungu anabapa. Tu ne vois pas la valeur du temps que Dieu leur a. Ataibu subu. Même ce matin, banduku mingi na badada mingi abayue valeur ya kuishi pa dunia. Ne savent pas la valeur de vivre sur la terre. Auyue frère, tu ne les connais pas. 5 minutes ya kuishi mu dunia dakika tano de vivre sur la terre iko na valeur moya ya ajabu sana. Très grande valeur mon frère. Ile kama unaipotesha, si tu le perdais, tu regretteras 5 minutes. Dakika tano tu boule dakika tano. Utalombaka bakurudishie yu. Il va demander qu'on puisse te l'élever. Mais bita kuyaga impossible. Et ça sera habita wezekana. C'est la vie. Uyu kiana. Ce jeune riche. Frère. Nduku. Mushikie mbele vile alianza kusema kule ngambo. Écoutez d'abord ce qu'il disait. Mushikie raisonnement yake. Suivez son raisonnement. Tube mbele mulik. Luka. Mina penda kumsoma Luk. Je vais lire Luk. Luk chapitre yake 16. Luka sura yake 16. Mushikie mbele raisonnement ya uyu muntu. Écoutez d'abord le raisonnement de ce jeune. Alikuwa na raisonnement mais bien. Il avait de bons raisonnements. Mais trop tard. Alakini akwa ishachelewa. Mungu apote kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Niko na bela verset 23 tunjo minapenda. Je prends le verset 23. OK. Biblia iko nasema hivi. La Bible dit ceci. Dans les séjours de mort. Mule mumakao ya bafu. Il leva les yeux. Akanyanyua macho yake. Et tandis qu'il était en proie au tourment. Wakati yule alikuwa katika mangaiko. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Akaona mbali Abraham na Lazare mukifua yake. Il s'écria. Kisha kalalamika. Père Abraham. Baba Ibrahimu. Aie pitié de moi. Unishikirie kwa huruma. Frère. Duk. Est-ce qu'il est fâché à couler? Cet endroit là. Il quoi dans wakati ya mtu kulomba huruma? Est-ce que c'est encore l'endroit il faut demander pardon là-bas? Hein? Hein? De l'autre côté. Pendant que, lorsque Dieu lui avait accordé la vie, Jésus-Christ lui disait, ya kusema wende ujise biote konabio. Va vendre tout ce que tu as. Kisha unifuate. Après tout, viens me suivre. Utapata hazina mbinguni. Yora. Biblia iko nasema. La richesse au ciel. La Biblia iko nasema. La Biblia. Mukuachana na Yesu Kristo. En se séparant avec Jésus. Ariachanaka na huzuni sana. Se séparer avec Jésus. Parce qu'il ariona kusema. Parce qu'il a considéré. Mambo ya Yesu. Ah, la parole de Dieu. Ita affecter ma affaire yake. Ça va affecter sa richesse. Ajita kuya tena libre. Il sera plus libre. Kufanya ile majie anafanyaka. Tout ce qu'il faisait. À Jésus Christ. À cause de Jésus Christ. Il avait commis une très grosse erreur. Que Dieu vous bénisse. Cette erreur, même aujourd'hui, il y en a qui en commettent. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous allez voir quelqu'un. Il est dans les affaires de Dieu. Mais il ne veut pas totalement mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que ses amis avec qui il se promène vont lui dire non, tu as vieilli. Est-ce que tu sommes-nous ensemble? On a mambia c'est unazeka. Tu as vieilli. Depuis que vous avez commencé à fréquenter votre tabernacle, vous ne faites plus de comme je l'ai entendu un païen. Vous ne buvez pas l'alcool. Les femmes vous les courtisez pas. La cigarette vous ne fumez pas. Et alors, qu'est-ce que vous faites alors? Est-ce que sommes-nous ensemble? Angaria frère. Regarde mon frère. Wa Mungu ya ubia kweri. Un véritable enfant de Dieu. Anekalaka mkusema paka vile Yesu alianza kusema. Il dit comme Jésus. Jésus alikuwa anasema. Jésus disait. Ma nourriture à moi. Chakula yangu. Et de faire la volonté de mon père. Ya kufanya mapenzi ya baba yangu. Est-ce que tu pamoja? Sommes-nous ensemble. Chakula ya mukristo. La nourriture. Na kile kiko nafanya furaha ya mukristo. Ni wakati yako naishi sauti ya Mungu. C'est lorsqu'il met en pratique la parole de Dieu. Mais angalia huyu kiana huyu. Regardez ce jeune riche. Kisha yeku katala ile offre Yesu alimkaburi. Après avoir refusé l'offre que Jésus. Majiku yake kashimama. Ce jour était arrêté. Sa vie était arrêtée. Il avait commis une grosse erreur. Na we enjoy ile kosa kunafanya. Il en est de même avec toi. C'est la même erreur que tu commets. C'est la vérité. Maintenant qu'il était mort. Anakuya kule ngambo. Il est allé de l'autre côté. Dans les séjours de mort. Mawazo yako mzuri. Ta bonne pensée là. Haita kusaidia la te. Ça ne peut plus t'aider. Mungu apate mbariki. Que Dieu vous bénisse. Amu yako ya kutubu. La soif de te repentir. Haita kusaidia te. Ça ne va plus t'aider de l'autre côté. Amu ya kujiweka mukistari. La soif de te se ranger. Aita kusaidia kate. Ça ne va plus t'aider. Est-ce que tu pamoya? Nous sommes ensemble. Apana kufuata mafundisho ya bakatolike. Il faut pas suivre l'enseignement des catholiques. Bale beko nasema. Ils disent que. Ata kama unakufa muzambi. Même si tu mourais dans le péché. Batakufuanishia mese. On va faire la messe. Tu ya kukurudisha kwa Mungu. Pour te retourner à Dieu. Ni mafundisho ya shetani. C'est l'enseignement satanique. Est-ce que tu pamoya? Sommes-nous ensemble? Kama unakufa frère. Si tu mourais mon frère. Unakufa dada. Tu mourais ma sœur. Unakwisha. Ça n'est fini pour toi. Est-ce que tu pamoya? Sommes-nous ensemble? Kama kuko wakati ya we kutubu. Si y a le moment où il faut se repentir. Na kutengeneza maisha. Et de réparer ta vie. Il passa kuya leo. Il fallait que ça soit aujourd'hui. Paloko na bushima. Pendant que tu vis encore. C'est la vérité. Ni kweli. Mais angaria yale la kubeba raisonnement ya bien. Regardez celui-ci avait eu un bon raisonnement. Wakati ko kule ngambo. Pendant qu'il s'est retrouvé dans les séjours des morts. Abikwa byakwendeka. C'était impossible. Père Abraham, aie pitié de moi. Baba Ibrahim munishikire buluma. Envoie Lazare pour qu'il trempe. Le bout de son doigt. Umutume Lazare à tante bilole yake mumai. Dans l'eau. Mumai. Et qu'il réfléchisse la langue. Apate kulekeza ko ulimi yangu. Car je souffre. Wani mina teseka. Cruellement dans cette flamme. Mina teseka sana. Mwindimi ya moto. Mungu apate mbariki. Que Dieu vous bénisse. Asema, nateswa sana. Je souffre cruellement. Ya ajabu. Cruellement tena. Sake ile mateso ili mubamba ule bwana. Sari, cette souffrance qu'avait saisi cet homme. Aya bambaka mutu padu. Ça n'a jamais saisi quelqu'un sur la terre. Mungu apate mbariki. Que Dieu vous bénisse. Anakuwa na besoin tena maguti ya mai. Il a eu maintenant besoin ne fût que des gouttes d'eau. Mais akukukwe tena possibilité. C'était impossible. Mungu apate mbariki. Que Dieu vous bénisse. Kama kuko mashiku ile frère. S'il y a des jours là où mon frère. Mutu anaweza kuacha biote. Là où quelqu'un peut tout sacrifier. Na kutoa maisha yake kwa Yesu. Et livrer sa vie à Jésus Christ. Ni pale kuna bushimu. C'est lorsqu'il vit encore. C'est pourquoi il bougit, mon frère. C'est pourquoi cette vie, mon frère. Il ne faut pas jouer avec. Est-ce que tu pas nous sommes-nous ensemble? Dans une personne. Bougima ni kitu kia mafasa ana. La vie c'est quelque chose de très précieux. Parce que mon bougima moule. Parce que dans cette vie. Tu as possibilité ya wewe kujireconcilier na Mungu. C'est là où tu as la possibilité de te réconcilier avec Dieu. Est-ce que tu pas moya? Sommes-nous ensemble? C'est pourquoi bougima boko ba mafa. C'est pourquoi la vie est très importante. Na bougima. Lorsque tu vis encore. Unapasha kuya tayari. C'est là que tu dois être prêt. Yakule utapitishia milele yako. Prepare là où tu passeras ton éternité. C'est la vérité. Ni kweli. Mina teswa sana mui flamme. Je souffre cruellement dans cette flamme. Mais si gaza la réponse d'Abraham. Écoutez maintenant la réponse d'Abraham. Abraham répondit, mon enfant. Abraham akamujibu mwana wangu. Souviens-toi. Ukumbuke. Que tu as réussi tes biens pendant ta vie. Ulipata mali yako pa dunia. Ulikuwa homme d'affaires. Ulikuwa mfanya biashara. Mumaisha yako ulipataka vitu vya mingi. Dans ta vie tu avais reçu beaucoup de biens. Mais oui, Lazare. Mais c'est Lazare. Arianza kuteswa. Il souffrait. Mais alichagula kitu kya kabaila. Néanmoins, il avait choisi quelque chose. Aujourd'hui. Eko mwenye kufarijiwa. Il est consolé. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi, frère. Joko mara nduku. Na dada yangu. Mais ma sœur. Kama tunapasha kukombana pa hii dunia hii. Si nous devons beaucoup nous battre sur la terre. Ni kukombana juu ya manafsi yetu. C'est nous battre pour le salut de nos âmes. Apala ugaspio wakati yako bule. Ne pas perdre ton temps inutilement. Mukutafuta bitu bila biweze kukusaidia. À la recherche des choses qui ne peuvent pas t'aider. Apana nduku, apana dada. Non, mon frère et non ma sœur. Il faut tukue benye kuya na akili. Il faut que nous soyons intelligents. Apana paka ma calcul. Pas seulement faire des calculs. Dio vile mwanadamu eko. C'est comme ça que l'homme est. Ukonona mutu eko paka ma calcul pa ma calcul. Vous allez voir l'homme, il ne fait que faire des calculs. Bushiku batu basha kulala. La nuit pendant que les gens dorment. Yeko paka ma calcul. Lui ne fait que faire des calculs. Hii makuta. Cet argent. Hivi vitafanya hivi. Sasa feza. Hivi vitafanya hivi. Sasa bashte ceci. Ndio vile mwanadamu eko. C'est comme ça que l'homme est tout. Paka calcul, paka calcul. Il ne fait que. Kumbe na ile ma calcul yote tena nayo wapi? Ce calcul là, où est-ce que tu iras avec? Uko na shindwa kulala bengine biko lala na desert. Il y a de l'insomnie, il y en a même qui dorment à desert. Unawajia kusema ni priere kuna fanya. Kumbe ni ma calcul. Vous allez croire qu'il prie pendant qu'il fait des calculs. Utenda wapi na ile makalki? Où iras-tu avec tous ces calculs? Kama una na Mungu utenda wapi? Si tu n'as pas Dieu, où est-ce que tu iras? Hapana nduku. Non, mon frère. Hapana dada. Non, ma sœur. Mutoto wa Mungu wa bia kweli. Un véritable enfant de Dieu. Eko na kombana juu ya nafsi yake. Il se bat pour le salut de son âme. Njo komba yetu. Voilà notre combat. C'est pourquoi nous nimisomea na ile anjiko ya 1 Timothée. Je vous ai lu cette écriture de 1 Timothée. Chapitre 6. Sura Yasita. Tusome mbele ile anjiko. Lisons d'abord cette écriture avant d'évoluer. 1 Timothée chapitre 6. Timothée wa kwanza sura ya 6, je vais le lire. Biblia iko nasema hivi. La Bible dit ceci. OK. Mzuri. Tubebe verset yake 7. Verset 7. Biblia nasema hivi. La Bible dit ceci. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Kwani atukulete kitu mudunia. Il est évident que nous n'emporterons rien. Ni hakika ya kwamba tutabeba mukindu. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements. Kama basi tuko hako na chakula na vazi. Cela nous suffit. Ile inetuenea. Inatuenea juu ya kuzalika mara ya pili. Ça nous suffit pour naître. Inatuenea juu ya kupata Roho Mtakatifu. Ça nous suffit pour recevoir. Hakuna mtu hata moyo atenda kujihesabia. Il y a personne qui peut saisir. Kule kujijima kusema. Là où jijima. Mirishindwaka kupata Roho Mtakatifu. J'avais échoué de recevoir. Mirishindwaka kuzalika mara ya pili. J'avais échoué de naître. Tu nilikuwa na mangaiko ya maisha. Parce que je souffrais. Ah ah. Non. Paia njiko. Sur cette écriture. Abaseme mambo ya batoto kufunda. On n'a pas dit de scolariser les enfants. Kufundisha batoto ni bien. Scolariser les enfants. Mais mambo munene ni juu ya nafsi yako. Ce qui est important c'est pour les salaires. Si donc nous avons de la nourriture. Kama basi tuko hako na chakula. Et des vêtements. Na mavazi. Vazi ni moja. Na vazi moja tu. Cela nous suffit. Ile inetuenea. Vous croyez que Dieu a fait consigner cette écriture pour rien comme ça? Apana. Non. Mungu abode mbariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu ashikuandikisha Biblia bule. Dieu n'a pas fait consigner cette écriture. C'est pourquoi bantu batasambaka. C'est pourquoi les gens seront jugés. Est-ce que moya? Sommes-nous ensemble? Angaria mbele muvia Yesu yote. Regardez un peu dans toute la vie de Jésus-Christ. Alikuyaka na mangunga pia kubadilisha. Il avait combien d'habits d'échange? Vous êtes des chrétiens, n'est-ce pas? Hakuna katikati yetu la shida na nguo ya kubadilisha. Parmi nous, il n'y a personne qui manque d'habits d'échange. Hakuna ule alilala na njala jana. Il n'y en a pas qui a passé nuit à famé. Chevote tulikuria. Nous tous nous avons mangé. Chevote tuko na manguo ya kuvuala. Nous tous nous avons des habits. Ile inaenea. Cela ça nous. Tu as mutu ajitoe tu apate Roho Mtakatifu. Se consacré afin d'avoir le Saint-Esprit. Selon volonté ya Mungu. Selon la volonté de Dieu. Kama leo hii frère. Si aujourd'hui mon frère. Uko na manguo. Tu as des habits. Na chakula. Tu as la nourriture. Na una na Roho Mtakatifu. Et que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu seras jugé. Est-ce que tu vas mourir? Sommes-nous ensemble? Utasambaka. Tu seras jugé. Tu as nini? Pourquoi? Parce que roho yako. Parce que ton esprit à toi. Tu ne penses qu'aux choses de la terre. Unawaza paka upate bintu hapa. Uko na biakura na uko na mavazi. Ya la nourriture le. Mais bila kunangaika bingine ni nini? Le reste pour lequel tu te préoccupes c'est quoi? Plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Ba mingi beko na tembea mbua duyo wa msalaba wa Kristo. Uko na mangu uko na voila. Tu as les habits que tu changes. Dieu a ni na ujene Dieu kupata Roho Mtakatifu. Pourquoi tu ne gênes pas pour recevoir le Saint-Esprit? Dieu a nini? Pourquoi? Dieu a nini? Pourquoi alors? Utasambaka frère. Tu seras jugé mon frère. Utasambaka dad. Tu seras jugé ma sœur. Dieu Mungu ndio alijiarrange. Parce que c'est Dieu qui s'est arrangé. Afanye ko yote ko munguvu yake. Qu'il le fasse ce qu'il. Akupatie ko manguo. Qui te donne un peu d'habit. Na manguo tuko nayo shibote. Et les habits nous les avons. Banduku na badada. Tes frères et manguo ya kushanje tuko nayo tunashanja. Les habits de change que nous avons. Mais kuko kitu kimwe kile batu bana négliger. Il y a une seule chose que les gens négligent. Ni wokovu ya manafsi yabo. C'est le salut de leur âme. Voilà la chose que les gens négligent. C'est grave, frère. Mais c'est la vérité. Si vous avez les vêtements, si tu as les vêtements, si tu as la nourriture, ça suffit. C'est pourquoi chaque frère qui a un habit, qui a aussi la nourriture, sans être de nouveau, sans recevoir les Saint-Esprit, Dieu va les juger. Mungu atakusambisha. Je te jugera. Tunaona sema roho ya bantu iko pa ku materiel. Ne voyez-vous pas que les gens, leur cœur est attaché au matériel bitu akadunia. Komba ya bantu ni paka bitu bya mwili. Ils se battent seulement pour avoir les choses matérielles. C'est la vérité. Ni kweli. Na mtu asiweze kukombania mangambo yote mbili mara moja. Ah, il peut pas combattre de tous côtés au même moment. Mungu aliua bile byote na alibikalikile. Dieu savait toutes ces choses. Mais angalia roho ya mtu vile. Regardez comment elle est. Mtu yuko paka na bia. Eko anapenda paka kuyaza yaza tu. Il fait seulement, il cherche seulement à amasser. Mwile wakati unapenda kuyaza. Pendant que tu cherches à amasser. Nafsi yake iko nakufa. Son âme se meurt. Yuba mingi frère bale beko na bia kuyaza yaza bale. Nombre qui ont beaucoup de. Maro ya beko na penda paka kuyaza yaza. Certains ne cherchent qu'à amasser toujours. Beko paka na ingia mu mabwinji. Ils ne font que frauder. Na bitu biashipo kwa biamana. Et des choses qui ne sont pas correctes. C'est la vérité. Ni kweli. Mutoto wa Mungu anahangaika juu ya nafsi yake. Un enfant de Dieu se préoccupe pour son âme. Mais babumba fibe kona tafuta paka mali. Les insensés ne cherchent que la richesse. Alors que ma nafsi yabo iko nakufa. Alors que leur âme se meurt. Haina kitu kizuri frère. C'est pas une bonne chose mon frère. Haina kitu kizuri dada. C'est pas bien ma sœur. Unakawia mkanisa unashikia sana. Tu as longtemps dans l'église, tu as beaucoup entendu. Na kufika paka na leo. Jusqu'à aujourd'hui. Roho yako yote. Tout ton cœur. Iko paka kubitu ya dunia. Est attaché seulement aux choses. Roho yako yote. Tout ton cœur. Iko na wewe unapenda paka kutokelee. Tu veux devenir comme tel. C'est grave. Ni atari. Mungu wote umbariki. Que Dieu vous bénisse. C'est grave. Ni atari. Mukutafutisha sasa kule unatafutisha kule. En recherchant. Unasahabu kusema. Tu oublies que. Uko kiumbe kia wakati. Tu es une créature de temps. Utakufwa. Tu mourras. L'un de ces jours, tu mourras. C'est quelque chose que tu recherches, une femme. L'essentiel que tu as fait sur la terre, c'est quoi alors? Qu'est-ce que tu as fait d'essentiel sur la terre? Tu vis comme un insensé. Oui. Ndio. C'est la vérité. Nikweli. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine. Et dans la perdition. C'est la vérité. Nikweli. Car l'amour de l'argent Wani, mapendo ya feza est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Baripote, baripote, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Na baridi tumbukiza mumangaiko ya mingi. Mais pour toi, homme de Dieu, lakini kwako we mutu wa Mungu, fuis ces choses. Ukimbie bibintu. Que Dieu vous bénisse. Kwa we, mutoto wa Mungu. À toi, un enfant de Dieu. Kimbia ibi bintu. Fuis ces choses. Oui, frère. Ndio nduku. Mutoto wa Mungu. Un enfant de Dieu. Eko na lomba Mungu amupatie paka ya kuria na ya kuvuala. Il demande à Dieu de lui donner à manger. Kama na vuala na kuria. Dès qu'il s'habille, qu'il mange. Ana consacré le temps yake ingine yote. Il le consacre. Mukutafuta kuya en ordre na Mungu. En cherchant d'être en ordre avec Dieu. C'est la vérité, frère. Nikweli nduku. C'est la vérité, ma sœur. Nikweli dada. Oui, frère. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice et la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Est-ce que nous sommes ensemble? Mungu alikuita ni juu ya uzima wa milele. Dieu s'il t'a appelé, c'est pour la vie éternelle. Asikukuitia kitu kingine. Il t'a pas appelé pour autre chose. Kama wewe uko na kombania kitu kingine. Si toi tu te bats pour autre chose. Uko najifanishia mubaya. Tu te causes du tort toi-même. Mungu abate umbariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu alikuita ni juu ya uzima wa milele. Dieu s'il t'a appelé, c'est pour la vie éternelle. Na unapaja kukombana. Tu dois te battre. Kupika vita ya imani. Combat de la foi. Juu upate uzima wa milele. Pour que tu reçoives la vie éternelle. Est-ce que tu vas moi? Sommes-nous ensemble? Juu vita tunapasha kukombana. Voilà les combats pour lesquels nous devons battre. Ma calcul yetu. Tous nos calculs à nous. Uzima wa milele. C'est pour avoir la vie éternelle. Biote bietu. Tout ce qui est à nous. Uzima wa milele. Pour la vie éternelle. Juu pa hii dunia. Parce que sur cette terre. Hakuna kile tulileta. Il y a rien qu'on a amené. Nani bia kweli pasi kutoka. Évident avant de partir. Nous n'emporterons rien. Est-ce que tu vas mourir? Sommes-nous ensemble? Tu comme un mutu anakufwa. Si l'homme mourait. Bien que biote. Tout ce qui lui appartient. Ça tombe. Est-ce que tu vas mourir? Sommes-nous ensemble? C'est la vérité, frère. Nikweli, biote binanguka. Tout tombe. Autena na kitu hata kimoya. Tu n'iras avec rien. Bila urianze kuhangaikia pa dunia hii. Les choses pour lesquelles tu t'es préoccupé sur la terre. Autenda tena kitu kimoya. Tu n'iras avec rien. C'est pourquoi hapana kupitisha mashiku yako sawa mujinga. C'est pourquoi il faut pas passer ton temps comme un insensé. Hapana frère. Non mon frère. Hapana dada. Non ma sœur. Mungu ashikutuite. Dieu ne nous a pas appelé. Juu tukuye tuanze kubechana. Pour qu'on puisse venir se concurrencer. Hapana. Non. D'ailleurs, comme uko naona mon esprit yako. D'ailleurs, si tu regardes dans ton esprit, Muko esprit ya concurrence. Si y a l'esprit ya kubechana. Ungari mupagano. Tu es encore païen. Est-ce que tu vas mourir? Sommes-nous ensemble? Mungu alituita shiye. Dieu nous a appelé nous. Ni Dieu a kupata bushima bwa mimi. C'est pour recevoir la vie éternelle. Njo tukile Mungu alituita njo vile tunaso. Voilà la raison pour laquelle Dieu nous a appelé. Hakuna kifukuzio kingine. Il n'y a pas un autre objectif. Kile Mungu alituitia. Pour lequel Dieu nous a appelé. Mungu ashikutuitia hata jua tuyue pakambo. Dieu nous a même pas appelé pour que nous soyons connus à Kambo. Hapana. Non. Ashikutuita jua kusema tukue na mali mingi. Il n'y a pas appelé pour que nous ayons beaucoup de richesses. Hapana. Non. Ari tuita ni juu ya bushima wa milele. Zapele se pour la vie. Na kila nduku na kila dada. Chaque frère, chaque combat yake ya bushibushiku na mchana. Son combat du jour et la nuit. Ikuye paka juu ya bushima wa milele. Et ça soit pour seulement la vie éternelle. C'est la vérité. Ni kweli. Combat le bon combat de la foi. Upike vita mzuri ya ndani. Saisir la vie éternelle. Ushike bushima wa milele. À laquelle tu as été appelé. Inye ile barikuitia. Et pour laquelle tu as fait une belle confession. Inye ile ufanchia kukiri kuzuri. En présence du grand nombre de témoins. Uwepo wa bashuda wa mingi. C'est la vérité. Ni kweli. Je te recommande devant Dieu. Na kuagizia mbele ya Mungu. Qui donne la vie à tout homme. Mwenye kuleta bushima wa batu bote. Qui donne la vie à toute chose. Ule analeta bushima wa bitu bote. Et devant Jésus-Christ. Na mbele ya Yesu Kristo. Qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Ule alifanyaka kukiri kuzuri mbele ya Ponce Pilate. Garde le commandement. Utunge amri. Et de vivre. Na ya kuishi. Sans tache. Bila taka. Sans reproche. Bila kemeo. Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Kufika na mukonekana kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Que manifestera son temps. Ula taone kanisha mwakati yake. Le bien-aise. Mpendwa. Celle souverain. Mkuani peke yake. Le roi des rois. Mfalme wa mafalme. Le seigneur des seigneurs. Bwana wa mabwana. Qui seul. Yeye peke yake. Possède l'immortalité. Eko na kutokufa. Qui habite dans une lumière inaccessible. Ule konekana munuri la wezu kanisha. Que ni l'homme n'a vu. Ile mtu atamasi. Et ne peut voir. Na wezi kuona. À qui appartient l'honneur, la puissance éternelle. Amen. Amina. Mungu abote mbariki. Que Dieu vous bénisse. Yesu alitutia, Mungu alitutia ni juu ya wokovu. Dieu nous a appelé c'est pour le salut. Kama hujaokolewa frère. Si tu n'es pas encore sauvé mon frère. Au hujaokolewa dada. Tu n'es pas encore sauvé ma sœur. C'est que conseille. Shauri. Leo hii hapana kutoka. Aujourd'hui il faut pas sortir. Parce que ma chiku ya kuiku konte. Parce que tes jours banesha kuyesabu. Apana kutoka. Faut pas sortir. Usifanye ile erreur. Ne commets pas cette erreur. Ya we kutoka kama una en ordre na Mungu. De sortir si tu n'es pas en ordre avec Dieu. Sasa ni kosa moyo te regreta kama chiku yako yote. C'est une erreur que tu vas regretter tout. Uko conscient mule mu maisha yako kusema. Tu es conscient dans ta vie que mie huyu. Moi ici. Chia baptizwa. Je ne suis pas encore baptisé. Mie huyu. Moi ici. Chia tubwaka. Je ne suis pas encore repenti. Mie huyu. Moi. Niko na bifulushi bila chia tengeneza. J'ai des fardeaux que je n'ai pas encore réparé. Ne uko paka alaise mukanisa. Mais tu es toujours à l'aise dans l'église. Apana kicho kao kiko malari. Ça dit tu n'es pas correct. C'est la vérité. Ni kweli. Auna na droit ya kutoka vile wiko. Tu n'as pas le droit de sortir tel que. Parce que uta regretta kama shiku ile Mungu alikupatia. Parce que tu regretteras des jours que Dieu t'avait loti. C'est la vérité frère. Ni kweli nduku. C'est la vérité ma sœur. Ni kweli dada. Leo ndio shiku ile kila nduku na kila dada. C'est aujourd'hui là où chaque frère et chaque sœur anapasha kurealize kusema. Il doit se réaliser. Eko en ordre na Mungu. Eko musawa na Mungu. Ben bote bile bitaweza kumufikia. Un jour ce qui peut lui arriver. Aki si le mourant ne sera pas perdu, ni leo, c'est aujourd'hui. Uko natembea na ile hakikisho. Il marche avec cette assurance. Hapana kuishi sa bumbafu. Faut pas vivre comme un insensé. Hapana frère. Non mon parce frère. Que dunia au mutuko naishi. Parce que dans ce monde où nous vivons. Lufulu unaweza kukubamba. La mort peut te saisir. De moment à l'autre. Wakati yote yote. C'est la vérité. Ni kweli. Kuko bitu binene bile biko kumbele yetu. Il y a des grandes choses qui sont devant nous. Kuko lufu. Il y a la mort. Au Yesu anaweza kurudia. Soit Jésus-Christ peut revenir. Maintenant angalia maisha yako. Maintenant examine ta vie. Est-ce que uko tayari? Es-tu prêt? Ya kuaffronter lufu. D'affronter la mort. Ah uko tayari? Es-tu prêt? Ya kukutana na Yesu kwa mawingu. De se rencontrer avec Jésus-Christ dans les airs. Ni wewe unapasha kujiangalishisha. C'est toi qui dois t'examiner. Kama uyakuya tayari. Si tu n'es pas encore prêt. dépend qu'on est de nouveau. Aujourd'hui, c'est à ce moment qu'il faut faire cette expérience. Si tu n'as pas encore reçu l'Esprit, c'est aujourd'hui qu'il faut faire cette expérience. Ce n'est pas le temps de tamiser. Ce n'est pas le temps de tamiser, ma soeur. C'est la vérité. C'est un jour là où chaque frère et chaque soeur va se préoccuper pour son âme. Ne pas vivre comme un esclave. Jésus nous a appelés pour le salut de nos âmes. Chaque frère et chaque soeur doit être sûr du salut de son âme. Oui, frère. Il ne faut pas que toutes les choses que nous faisons, il faut qu'on regarde où est leur fin. Quelle sera leur fin? Yako ni nini, frère. Ta fin sera comment? Ta fin sera comment? Si tu mourais dans cet état-là, wapi? Où iras-tu? Wapi? Où est-ce que tu iras? Est-ce que tu es sommes-nous Moutou ensemble? Muzambi, frère. Si l'homme meurt dans les péchés, mon frère, il est mal parti. Il est mal parti. Parce qu'il n'a plus de l'espérance. Il n'y a plus rien qui peut l'aider. Oui, frère. Dieu c'est pourquoi je parle de la gym. C'est pourquoi lorsque nous vivons encore, notre espérance, Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, avant de partir, il disait à ses disciples, Mouja, chapitre 14, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Est-ce que tu sommes-nous ensemble? Jésus-Christ a donné au Christ consolation. C'est Jésus-Christ qui a donné aux chrétiens la consolation. C'est pourquoi qui l'a ndugu na kila dada. C'est pourquoi chaque frère, chaque soeur, il doit avoir la certitude que Jésus est allé nous préparer une place pour ses enfants. Est-ce que tu vas mourir? Sommes-nous ensemble? Na kila ndugu na kila dada. Chaque frère et chaque soeur. Lorsque tu vis encore, il faut fâche yako ekuye kuye. Il faut que ta place soit là-bas. Est-ce que tu vas mourir? Sommes-nous ensemble? Voyez-vous, lorsque nous allons aux conventions, tu ne peux pas aller à la convention comme ça là. Si tu n'as pas d'abord consigné ton nom là-bas, toi tu seras vraiment. Je l'ai remarqué. Pourquoi il y a certains frères qui ont surgi comme ça à la convention? Alors que les conventions ne sont pas les qu'on a loué. Et pourtant là, la convention sont des salles qu'on loue. Il faut recevoir batungapi. Ils font l'inventaire, ils vont recevoir combien de gens. Maintenant, banesha ku calculer. On a déjà tout calculé. Comment il nombre rafikia pa ile sale tu qu'on a loué. Ce nombre atteint le nombre de. Il est né pour atteindre la batu bengine ku. C'est fini, on va plus ajouter. Il est déjà mon ordre normal. C'est l'ordre normal. Maintenant, moto le qu'on a peine à participer aux conventions. Quelqu'un qui a besoin de participer. Mbele wakati. Avant le. Et qu'on a indiqué kwanza njina yake. Il va d'abord faire consigner son nom. Est-ce que tu es au sommes-nous tu comme anaenda. Si il partait. Ah, ego tu à l'aise. Il est à l'aise. Batamu pa makaro. On va lui donner les macarons. Na banamone ja fois chez lui. Il va lui montrer l'endroit. À l'aise, akuta kuya makokotano. Il n'y aura pas de tiraillement, il sera à l'aise. C'est pourquoi parle na shitu ko pa dunia. Parce que nous sommes encore sur la terre. Yesu arienda kutayarisha fois. Jésus est allé nous préparer une place. Il faut na wewe njina yako ikue kule. Il faut que ton nom aussi soit là-bas. Est-ce que tu es pas moya? Sommes-nous ensemble? Kila nduku, chaque frère, na kila dada, et chaque soeur, il faut njina yake kuye kule. Il faut que son nom soit là-bas. Na njina yako iko napatikana kule. Ton nom se retrouve. Ni wakati unazalika mara ya pili. Tu es né de nouveau. Wakati unapata Roho Mtakatifu. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit. Parce que Roho Mtakatifu njo yenye billet. Parce que le Saint-Esprit njo yenye ticket. Est-ce que tu es pas moya? Sommes-nous ensemble? Ata kuma convention tu naripaka. Même à des conventions nous payons. Est-ce que tu pas moi? Sommes-nous ensemble? Saint-Esprit, Joyeux billet, il t'a permettre. C'est ça le ticket qui va te permettre. On habite librement. Partout, tu vas passer. Mais il faut qu'on indique. Il faut d'abord faire consigner. C'est pourquoi Kila Nduku. C'est pourquoi chaque Nduku. Na Kila Dada. Chaque soeur. On a pas chaque fois une expérience à nouvelle naissance. Il faut faire l'expérience et à Kuzalu Maria Pili. Mais la ville au sans cela, tu seras perdu. C'est la vérité. Jésus est allé préparer des places seulement pour ses enfants. Maintenant, comment ouais, frère? Mais si toi, mon frère, ouais, tu n'es pas encore né de nouveau, de l'autre côté, qui va t'accueillir? Tu n'auras pas quelqu'un pour t'accueillir. Tu viendras dans une cité là où tout le monde, il n'y a personne pour t'aider. C'est pas une bonne chose. Lorsque tu vis encore sur la terre, tu as encore tous ces bons sens. Pourquoi est-ce que tu refuses de prendre la décision pour le salut de ton âme? Pourquoi? Tu refuses de prendre la décision de ton âme. Qu'on me baptise. Tu ne sais même pas l'acte que tu viens de faire. Non, mon frère. Non, ma soeur. Lorsqu'une personne réellement prévenir sa vie de l'autre, se préparer pour être en ordre avec Dieu. C'est aujourd'hui. Léo. Aujourd'hui. Si dans ta vie tu as des choses que tu dois te repentir, c'est aujourd'hui qu'il faut te repentir. C'est la vérité. Nikueli. Si tu n'as pas encore pris l'engagement pour être baptisé, tu as kusema Mungu achukue fwashi yako. Pour que Dieu prenne ta place. Akuandike na wewe kule kuile fwashi. On te consigne là-bas aussi. Unachunga nini? Qu'est-ce que tu attends? Unachunga nini frère? Qu'est-ce que tu attends mon frère? Unachunga nini dada? Qu'attends-tu ma sœur? Oh, angalia frère. Regarde mon frère. Baptême haina tu kintu. Le baptême c'est pas grave. Ni bia bongo. C'est faux. Mungu apate mbariki. Que Dieu bénisse. Kama ubatizo haikukue na maana mumai mingi. Si le baptême n'avait pas. Mungu asinge yaandika. Dieu ne pouvait pas le faire consigner. Est-ce que tu sommes-nous ensemble? Mutu yote. Tout homme. Anapashwa kisha ye kuamini. Après avoir cru. Abatizwe. Il faut qu'il soit baptisé. Est-ce que tu sommes-nous ensemble? Ensemble. C'est comme wewe kufuata procédure normale. Si toi tu n'as pas suivi une bonne procédure. Austa komeaka mu mambo ya Mungu. Tu ne vas jamais croître dans la parole de Dieu. Abita wezekana. C'est impossible. Il faut wakati ya injili na ubiriwa. L'évangile est prêché. Unashikia kusema. Et que tu écoutes. Kama mishi okolewe. Si je ne suis pas sûr. Kama mishi bebe décision leo. Si je ne prenais pas la décision. Nikikufa nitapoteya. Si je mourrais, je serais perdu. Unaamini. Tu les crois. Unatubu. Tu te repens. Il faut baka kubatize. Il faut qu'on aille te baptiser. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Njoo vile bitu binatembeaka. C'est comme ça que les choses doivent être. Mais angaria leo bantu baminga baendele mu mambo ya Mungu. Aujourd'hui beaucoup de gens ne prospèrent pas dans la parole de Dieu. Bantu bamingi beko na folie le contraire. Beaucoup de gens vont faire kinyume. Mutu ananza mbele banamubatiza. Il commence d'abord. Ye balo kutubwaka. Tanda qui s'est pas encore repenti. C'est compliqué. Mina kwa nguvu. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Njoo vile bantu bamingi baribatizo. C'est de cette manière. C'est que mutu anaenda kubatizwa mais asijue ile acte la foi. Il est baptisé, ne connaît même pas ses conditions. Apana hii message ni nuru mkubwa. Ce message c'est une grande lumière. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? C'est que il faut kila ndugu na kila dada. Chaque frère. Afuate des procédures normales. Tu as kusema comment bien. Afin qu'il puisse bien grandir dans la foi. Njoo vile binekala kama unaisance yote. Ça s'est fait mukuzaliwa kote. Apana tu mutu kunona mutu mukanisa. Vous allez voir quelqu'un dans l'église. Unawajia seni mutu wa Mungu tena wa zamani. Vous croirez que c'est un homme de Dieu, mais un ancien. Mais achia baptizwa. Mais il n'est pas encore baptisé. Kisha anakawia mukanisa. Il fait longtemps dans l'église. Bana muyua mukanisa. Il est connu dans l'église. Bana muita na mutu wa Mungu. On l'appelle même un homme de Dieu. Anaanza kushikia haya kubatizwa. Il commence à avoir honte d'être baptisé. Unaona vile watu beko bajinga. Voyez comment les gens sont insensés. Ni kweli. Biblia konasema. La Bible dit. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mhubiri habari njema kwa watu. C'est lui qui croira. Unatamini. Et qui sera baptisé. Na kubatiziwa. Sera sauvé. Ataokolewa. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Mutu anaamini na anabatizwa. Il croit et il est baptisé. Il faut kila nduku. Il faut chaque frère. Na kila dada. Et chaque sœur. Mwenye kujua kusema ni kiumbe kia wakati. Il connaît qu'il est une créature temporaire. Abebe mipango ya kubatizwa. Il prenne la décision d'être baptisé. Abatizwe. Qu'il soit baptisé. Mbele atubu. Et avant qu'il se répande. Anatubu kwanza. Il se répande d'abord. Kisha anabatizwa. Ensuite il est baptisé. Njoo anaokolewa. C'est alors qu'il sera sauvé. Ile njoo procédure ya Mungu. C'est ça la procédure de Dieu. Na kama we balo kubatizwa nduku. Si toi tu n'es pas encore baptisé. We balo kubatizwa dada. Tu n'es pas encore baptisé ma sœur. Mumai mingi munjina ya Yesu Kristo. Beaucoup d'eau au nom de Jésus. Ujue kusema ukingariki chini ya lana. Sache que tu es encore sous la malédiction. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Où continue à l'âne? Tu es encore sous la malédiction. Manzambiako. Tes péchés. Yo baloku sameo. Ne sont pas encore pardonnés. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Manzambiako ya sameo. Tes péchés ne sont pas encore pardonnés. Kama unakufa vile. Si tu mourais dans cet état. Utapote. Tu seras perdu. Il ne faut pas commettre la même erreur que ces jeunes riches. Toi, il ne faut pas le faire. Toi, tu es une personne avec intelligence. Il ne faut pas faire ces erreurs. Parce que tu te souviendras ces jours ici. Lorsque ta vie va s'arrêter, ta vie sur la terre s'arrêter, lorsque ça va s'arrêter, il n'y aura aucun remède qui peut t'aider. Est-ce que tu sommes-nous ensemble? Madawa ce remède, ikingari na kusaidia, ni mubwingi wa mashiku yako. C'est pendant les jours de ton séjour sur la terre. Est-ce que tu sommes ensemble? Mais pas les mashiku yako et tashimama. Lorsque ta vie va s'arrêter, unakufa bila Yesu Christo. Et que tu meurs sans Jésus Christ, tu vas regretter ça. Tu vas regretter amèrement. C'est pourquoi leo nduku yangu na dada yangu. Aujourd'hui mon frère et ma sœur. Benye kujua kusema tuko biume vya wakati. Sachant que nous sommes des créatures temporaires. Tukuye na akili. Nous soyons intelligents. Tuinamisha bichwa shibote. Inclinons nos têtes tous. Niko nauliza kwa ndugu na kwa dada. Je pose la question aux frères et aux sœurs. Kama kuko ndugu au dada. Si y a un frère ou une sœur. Yebalo kutoa maisha yake kwa Yesu Kristo. Qui n'a pas encore consacré toute sa vie à Jésus Christ. Dieu Mungu apate kumsamehe mazambi yake yote. Que Dieu puisse le pardonner de tous ses péchés. Kama yuko katikati yetu. S'il est au milieu de nous. Anaweza kuweka mkono yake yote. Il peut lever sa main. Mungu akubariki dada, weka mkono yuko. Que Dieu te bénisse ma sœur, lève correctement la main. Nani mwingine? Mungu akubariki frère. Que Dieu te bénisse mon frère. Mungu akubariki frère. Que Dieu te bénisse mon frère. Mweke tu mikono yulu bien. Lève correctement. Mungu akubariki dada. Que Dieu te bénisse ma sœur. Mwebote mnaweka mikono yulu mshibame paka pale mshakuigana. Vous tous qui avez levé vos mains, levez-vous tous. Niko nauliza mara nyingine. Je pose la question pour la deuxième fois. Ule nduku na ule dada. Ces frères-là et cette sœur-là. Anaona kusema mudunia hakuna kia kabaila. Qui voit que dans ce monde ici, il n'y a rien d'important. Eko napenda Yesu achukue fwashi yake. Il veut que Jésus-Christ prenne sa place. Amusame manzambi. Qu'il le pardonne ses péchés. Pale bujima butashimama. Lorsque sa vie va s'arrêter. Yesu enda kamuchukue kule ngambo. Que Jésus aille le récupérer. Na leo hii anachukua mipango. Même aujourd'hui, si ya kutoa vie yake kwa Yesu Kristo. Délivre sa vie à Jésus-Christ. Kama ekuweko katikati yetu. S'il est là au milieu de nous. Aweke mkono yake yulu. Qu'il lève sa main. Mungu akubariki dada shimama. Que Dieu te bénisse ma sœur. Wote badala mshimame. Levez-vous. Mungu akubariki frère. Que Dieu te bénisse mon frère. Mungu akubariki frère shimama. Que Dieu te bénisse mon frère. Mungu akubariki frère. Que Dieu te bénisse mon frère. Mungu akubariki frère shimama. Que Dieu te bénisse mon frère mets-toi debout. Mungu akubariki dada. Que Dieu te bénisse ma sœur. Mungu akubariki dada shimama. Que Dieu te bénisse ma sœur mets-toi debout. Shimama paka pale wiko. Mets-toi debout là où tu es. Mungu akubariki frère. Que Dieu te bénisse mon frère. Shimama pale wiko. Mets-toi debout là où tu es. Dada kumukongo. La sœur là derrière. Na tricot ya rouge shimama. Avec le tricot rouge. Paka pale wiko. Là où tu es. Nani mwingine? Qui encore? Mungu akubariki frère. Dieu te bénisse mon frère. Shimama kule kukona. Mets-toi debout là au coin. Ni nani mwingine? Qui encore? Ule anapenda leo hii. Celui qui veut aujourd'hui. Anasema mudunia shone kakabaila. Dans ce monde nye, il voit rien. Me anapenda kutoa maisha yake kwa Yesu Kristo. Il veut consacrer sa vie à Jésus. Tu Yesu abebe fwashi yake. Que Jésus prenne sa place. Kwanza tamusamehe manzambi yake. Il va le pardonner ses péchés. Na atenda kumuchunga kule ngambo. Il attendra de l'autre. Pale mushima wake utashimama. Lorsque sa vie va s'arrêter. Ni paka ule Yesu njua atakupokelea. C'est Jésus là qui va t'accueillir. Ni nani mwingine katikati yetu. Encore au milieu de nous. Aweke mkono yake yulu. Qui lève sa main. Nani mwingine? Qui d'autre? Nani mwingine katikati yetu? Qui encore au milieu de nous? Kule ku balkon. Là au balkon. Ni nani? Qui encore? Hakuna décision ile unaweza kubeba sasa hii ya siku ya leo. Il n'y a pas une décision que tu peux prendre comme celle d'aujourd'hui. Mu maisha yako yote. Dans toute ta vie. Décision munene. La grande décision. Ni kutoa bushima wako kwa Yesu Kristo. De consacrer ta vie à Jésus Christ. Kama kuko mwingine? S'il y en a d'autres. Aweke mkono yake yule. Il lève sa main. Yesu ni mwema. Jésus est bon. Ni mutu wa bien sana. Il est très bien. Ni mutu wa heri. C'est un homme heureux. Ni mutu mzuri. C'est un homme bon. Ni rafiki mzuri. C'est un bon ami. Ule shachake mtu. Qui ne peut pas abandonner quelqu'un. Kama unamwekea kitumaini. Si tu espères en lui. Shiku mweko na sumuria kule kwa Lazare. Un jour il parlait de Lazare. Eko na sumuria na ba Marie. Il parlait avec Marie. Eko na bambia kusema. Il leur disait. Kama mtu ananiamini mie. Si quelqu'un croit en moi. Hata kama anakufa. Si mure. Hata kwa na bushima. Il aura la vie. Yesu ni mtu mzuri. Jésus est très bon. Ni nani mwingine katikati yetu. Qui encore parmi nous. Mwe bote benye kuya bwima mupite kumbele. Vous tous là qui êtes debout, venez devant. Vous avez pris une décision que vous n'allez jamais regretter. Passez devant mon frère. Passez devant ma soeur. N'ayez pas honte. Tu viens, c'est devant Jésus-Christ. Ce n'est pas devant une personne. C'est au devant de Jésus. Pour ton âme, Jésus a abandonné les cieux. Il a abandonné les anges. Il a laissé la gloire. Il a accepté de porter le corps. Il a accepté de verser le sang. Il a accepté de payer les prix pour que toi tu sois sauvé. Il y a encore parmi les frères et même parmi les sœurs. Parce que bientôt là je vais arrêter. Jésus se préoccupe des gens. Qui encore? Niko na chunga frère. J'attends mon frère. Niko na chunga dada. J'attends ma sœur. Kama kwa mwingine. Il y a quelqu'un d'autre. Ule anachelewa. Qui est en retard. Aweke mkono yake yulu kuleko. Lève sa main là où il est. Nani mwingine? Qui encore? Mwe bote msha kutoa maisha yenu kwa Yesu Kristo. Tous qui avez déjà consacré votre vie à Jésus Christ. Yesu ni rafiki mwema. Jésus c'est un bon ami. Ata kama bana kufinya kumotoka. Même si on te trampe. Ata bana kuchoma. Même si on te brûle. Ata kusabwaka. Il va pas t'oublier. Aupende kushikilizana na mtu wa ile namna. Ne veux-tu pas t'accorder avec une personne? Na kutoa bushima bwako kwa Yesu Kristo leo. Et de consacrer ta vie à Jésus Christ. Hapana kuchunga siku nyingine. Faut pas attendre un autre jour. Ni nani mwingine? Qui d'autre? Shetani kuna kuambia. Satan te dit. Hapana kuweka mkono yulu chunga siku nyingine. Ne lève pas ta main, attends un autre jour. Hapana ni kosa munene. Non, c'est une grosse erreur. Weka mkono yako yulu. Lève seulement ta main. Yesu atangaikia mambo ingine. Jésus va te préoccuper de ni nani mwingine? Qui d'autre? Nani mwingine? Qui d'autre? Tuko na kuchunga wewe. Nous t'attendons toi. Paka wewe. Seulement toi. Tunakuchunga paka wewe, weke mkono yule. C'est toi que nous attendons, lève ta main. Njoo tushimamishe. C'est alors que nous allons arrêter. Ni nani? Qui d'autre? Weka mkono yako yule. Lève ta main. Yesu ni rafiki mwema. Jésus c'est un bon ami. Ashita kuachaka. Simama pale dada. Tu abandonneras jamais, lève ta main. Mungu akubariki, pita kumbele. Et te bénisse, passe devant. Nani mwingine? Qui d'autre? Auta regretta kai décision. Tu regretteras jamais cette décision. Ni nani mwingine? Qui d'autre? Tunakuchunga paka wewe. C'est toi que nous attendons. Yesu ni rafiki mwema. Jésus c'est un bon ami. Anasaidia na katamu magumu. Il aide même dans des difficultés. Aisha kutulaka. Il nous a déjà promis. Asemushogope lufu. Ne craignez pas la mort. Mimi nishakushinda lufu. J'ai déjà vaincu la mort. Ani rafiki wa bien. C'est un bon ami. Kama unamukimbiria. Si tu akura. Na unakuya kwake leo. Et tu venais de. Atasame kwanza mazambi yako yote. Il va pardonner tous tes péchés. Kisha. Ensuite. Atakuchunga kule ngambo. Il t'attendra de. Pale kushima utashimama. Lorsque ta vie. Yeye ndio atakupokelea. C'est lui seul qui va t'accueillir. Ni nani mwingine? Qui d'autre? Nani mwingine? Qui d'autre? Na tete nkline na bicho yetu byenye kuinama.